Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, 107 MHz, oui, vous pouvez vérifier. Et bien ce soir, le programme de Mosaïque, eh bien ce sera La lutte continue, par Jean-Luc Mélenchon, après le premier tour. Ensuite, Adrien Quatennens, à tous ceux qui y ont cru. Et puis le média, révélation sur l'homme de l'ombre. Ah oui. Ensuite, de l'homme de l'ombre, de la Macronie, voilà, il y a un mot qui n'est pas trop bien écrit. Hein. Didier Mestre parle de la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Ensuite, éloge de la grève, Léonard Vincent, Jean-Pierre de Daroussin. Le vrai bilan de Macron, 2 points, la misère, merci. L'uranium de la colère. Massacre de soldats africains par les Allemands en 1940. Oui. Faisant aligner des régiments de soldats africains français, africains, des Africains qui étaient venus en France pour se battre, pour permettre à la France de se libérer des Allemands. Hein. Alors, il n'y en a eu que assez nombreux qui ont été massacrés par les Allemands, contrairement à toutes les lois. Voilà. Oui, bon, ben on était reconnaissants, hein. Oui, bien sûr, on était reconnaissants, nous autres les Français. Oh oui, oh là là. Et puis on vote intelligemment depuis. On étale notre intelligence à la face du monde, nous autres les électeurs français. Oh oui, oh oui, oh oui. Musique, Raoul de Godswald, car les cigares. Ensuite, de la musique. Hein. Bah oui, surtout la musique, hein. Voilà. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime. Dans la joie ou la douleur, douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur. Une nouvelle page du combat s'ouvre. Vous l'aborderez, nous l'aborderons dans la fierté du travail accompli. Cette force immense que nous avons construite de nos mains, tant de fois, sous le mépris et les insultes. Mais elle est là. Et pour chaque étape, elle est là. Si vous décidez de la préserver, de l'entourer, comme vous l'avez fait jusqu'à cette heure, en dépit de tout. Ce matin, il faisait beau à Marseille. Sur la mer fuyante, les rayons du soleil bondissaient d'une vague à l'autre. Ce matin, tandis que je me préparais à entrer dans cet événement dont je ne savais rien, me sont arrivés bientôt les échos de l'Oyapock, frontière française sur le Brésil, et puis ceux du Maroni, et puis ceux de la Martinique, et puis ceux de la Guadeloupe, et puis ceux de la Réunion. Qui dès le premier tour, m'élisaient pour leur président. Et j'ai vu, dans leur décision, ce qu'elle signifiait pleinement et entièrement. L'état dans lequel se trouve la patrie et son peuple sur tous les points du territoire, un état d'exaspération et le sentiment d'être entré dans un état d'urgence écologique, sociale, et maintenant, encore une fois, nous le voyons ce soir, un état d'urgence politique. Car le tableau que vous avez sous les yeux, tel qu'il a été voulu, non de notre fait, ni même du fait du peuple français, mais des institutions de la Ve République et de cet étrange système de tirage au sort qui aboutit à vous demander de choisir entre deux mots dont vous sentez à la fois qu'ils sont terribles pour vous-même et qu'ils ne sont pas de même nature. Et chacun d'entre vous se trouve mis au pied du mur de sa conscience, de la décision qu'il doit prendre. C'est la condition humaine d'être sans cesse confronté à des décisions qui sont souvent difficiles à prendre. Eh bien, la dernière fois que s'est-il passé, je vous ai dit ce que je vous redirai. Non. Je connais votre colère, mes compatriotes. Vous tous dont j'ai parlé il y a quelques instants, je connais votre colère. Ne vous abandonnez pas à ce qu'elle vienne à vous faire commettre des erreurs qui seraient définitivement irréparables. Tant que la vie continue, le combat continue. Et c'est mon devoir de vous dire, comme étant le plus ancien d'entre vous, que la seule tâche qu'on a à se donner, c'est celle qui accomplit le mythe de Sisyphe. La pierre retombe en bas du ravin, alors on la remonte. Vous n'êtes ni faible, ni sans moyens. Vous êtes en état de mener cette bataille, et la suivante, autant qu'il y en aura. Regardez-moi. Je n'ai jamais lâché prise. Je n'ai jamais cédé. Je n'ai jamais baissé le regard. Et c'est de cette façon-là que nous avons construit cette force. Alors maintenant, c'est à vous de faire. Dans la bataille qui arrive, nous avons constitué le pôle populaire. Parce qu'il était là, toutes sortes de gens ont pu prendre appui dessus pour faire un vote et nous amener jusqu'à ce point. Les batailles arrivent devant vous. Ne commettons pas l'erreur de nous fourvoyer à peine entrés sur le chemin. Nous savons pour qui nous ne voterons jamais. Et pour le reste, comme je vous l'ai dit il y a 5 ans, vous souvenez-vous qu'il y a eu quelques dégâts après notre déclaration? Pour qui prendrait-on les Français? Ils sont capables de savoir quoi faire. Ils sont capables de décider ce qui est bon pour le pays. Jamais nous ne perdrons notre confiance dans la démocratie. Donc, vous ne devez pas donner une voix à Madame Le Pen. Alors, je le sais bien. Je répète parce que des fois, il arrive que même quand je dis les choses, c'est comme si je ne les avais pas dites. Alors je recommence à cet endroit du film. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Voilà, je crois que le message pour cette partie a été entendu. Alors maintenant, qu'allons-nous faire? On va ouvrir la page et les 310 000 personnes qui m'ont parrainé donneront leur point de vue. Ceci posé, ne nous cachons pas la violence de la déception. La violence de la déception, elle est d'abord en pensant à tout ce qui aurait été entrepris et qui ne le sera pas. Et ceci, plus que le reste, me cuit. Ce que je me préparais à faire, ce que je croyais immédiatement à portée de main, les belles équipes dont nous disposons et qui étaient prêtes à se déployer pour assumer toutes les tâches qu'il y avait à assumer. Oui, c'est une déception. Mais en même temps, comment se cacher, je suis comme vous, entre les deux, comment se cacher aussi la fierté du travail accompli? Le pôle populaire existe. Si nous n'y étions pas, que resterait-il? Qu'aurions-nous? Rien. Et nous avons construit cette force. Je m'adresse à vous qui êtes ici dans cette salle, non pour vous tenir les propos lénifiants de réconfort ou de bonne mine qu'il faudrait avoir. Je n'ai ni bonne mine, ni envie d'être réconforté. Je ne connais que mon devoir. Et je vous appelle à faire de même. La lutte continue. La lutte continue. Nous disons à tous ceux qui jusque-là n'ont pas voulu l'entendre, ici est la force. Nous avons une stratégie, le pôle populaire. Nous avons un programme. Nous avons devant nous d'autres élections. Nous tiendrons à chaque étape notre rang. Réfléchissez-y. Alors, bien sûr, les plus jeunes vont me dire, eh bien, on n'y est encore pas arrivé. C'est pas loin, hein. Faites mieux. Merci. Ils étaient usés à 15 ans, ils finissaient en débutant, les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands-messes? Ils étaient vieux avant que d'être. 15 heures par jour, le corps en laisse au visage un teint de cendre. Où Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là à dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant, l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux des quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Si par malheur il survivait, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître. Ils mouraient à pleine peur, tout miséreux, oui, notre bon maître, couvert de prêtres, oui, notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Adrien Quatennens, bonjour. Bonjour. Bonjour Adrien Quatennens. La nuit a dû être courte et très tendue pour vous, avec la remontée vers 22h de Jean-Luc Mélenchon et l'écart qui n'a cessé de se resserrer avec Marine Le Pen. Avez-vous cru jusqu'au bout que vous pouviez peut-être renverser l'ordre d'arrivée et être au second tour? Oui. C'est-à-dire que ce qui s'est produit hier, c'est que les estimations qui sont données à 20h, les sondages de 20h pour poser le résultat que tout le monde attend à 7h, en fait, est passé sous les radars de ce dispositif de sondage, en fait, puisque ce sont des sondages. Le niveau de mobilisation impressionnant qu'il y a eu hier. Dans les grandes villes, notamment. On parlait à l'instant, oui, il y a clairement, et je veux les saluer, des femmes, des hommes, beaucoup, qui peut-être n'auraient pas voté ou n'avaient pas prévu de le faire de longue date, qui se sont déplacés hier. Et nous, ça, on l'a perçu toute la journée. On a vu des endroits où habituellement les gens ne votent pas, qui y allaient. Il y avait des queues absolument impressionnantes devant certains bureaux de vote. Donc oui, il y a eu ce sursaut de mobilisation qui fait qu'on est passé, je crois, du dernier sondage en fin de semaine à 17-18 à aujourd'hui un score qui est à 22%. Donc oui, on y a cru et on a compris seulement au milieu de la nuit qu'on n'arriverait pas à rattraper ce retard. Très gros score donc, 21-95 et pas de qualification pour le second tour. Déception ce matin, immense j'imagine. Mais évidemment, mais c'est-à-dire que ce bulletin de vote qu'on saisit beaucoup de gens hier était en réalité plus qu'un bulletin de vote. Les gens se sont dit, on a une opportunité de faire barrage, d'empêcher l'extrême droite sans renier nos convictions, c'est-à-dire dès le premier tour de l'écarter de l'élection présidentielle. Et puis surtout, il y a plein de gens qui ont vu l'occasion d'améliorer leur sort et leurs conditions de vie. Quand on parle de l'augmentation de salaire qui était à portée de main, du fait qu'on allait faire en sorte que personne ne vive sous le seuil de pauvreté dans ce pays, qu'on a perdu un quinquennat pour le climat, que le GIEC vient de nous dire, vous en avez beaucoup parlé sur votre antenne il y a quelques jours, qu'on n'avait plus qu'une poignée d'années pour agir, on voit bien que c'est pas le tableau d'arrivée qui va nous permettre de solutionner ce problème. Donc oui, beaucoup de gens nourrissent beaucoup d'espoir et je leur dis surtout, même s'il y a une déception très nette de ne pas arriver au second tour. On entend votre émotion ce matin. Mais évidemment. Évidemment qu'il y a de l'émotion, je ne vais pas le cacher. Mais je veux dire aussi, et c'est le plus important, plus que l'amertume, c'est que ce que nous avons constitué, ce bloc populaire, il est présent, il est là, il sera là pour la suite. Et que c'est un vote, pour beaucoup, qui était un vote de dignité, un vote de droit au respect, et on est là, et on restera là. Et la pente des événements exige qu'on soit là. J'ai un point de désaccord, je le dis, avec l'édito de Thomas Legrand, quand il disait qu'en gros, même si évidemment il y a eu l'efficacité du vote qui a poussé des gens à venir vers nous en dernière ligne droite, mais moi je crois peut-être que ça pourrait être mesuré, c'était le cas en 2017, ça avait été mesuré, un fort taux d'adhésion programmatique. Moi je pense que le niveau d'adhésion programmatique il est là, les gens ils ont voté pour des raisons aussi de fond, à la fois mettre le pays au niveau des grands défis, mais aussi améliorer leur sort. Je rappelle quand même que dans ce pays il y a 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, qui ont envie que ça change. Mais Adrien Quintenin, avant de parler de la suite du second tour et puis des législatives, encore une question sur votre score, et qu'est-ce qui vous a manqué les quelques 500 000 voix de différentiel avec Marine Le Pen. La dernière fois, c'était il y a 5 ans, c'était à 600 000 voix près. C'est quoi ? C'est que la stratégie du vote utile n'a pas été suffisante, l'adhésion n'a pas été suffisante, ou tout simplement, et plus prosaïquement, il vous a manqué les 2% de Fabien Roussel ? Bah écoutez, on peut se dire les choses. Évidemment, il nous a manqué. Vous me dites, qu'est-ce qui vous a manqué ? Bah, vous l'avez dit vous-même, il nous a manqué 500 000 voix, c'est-à-dire 3 fois rien. C'est quelques voix par bureau de vote. Bon, évidemment, d'abord, le sursaut de mobilisation en notre faveur, il a été là. Peut-être qu'il aurait pu être encore plus impressionnant, mais déjà, franchement, il l'a été. Quand vous voyez les scores, y compris, je pense, aux Outre-mer, bon, et tout ce qui s'est fait, sursaut de mobilisation, il y est. Oui, ce matin, je lis sur les réseaux sociaux, alors c'est un peu trivial, mais je viens de lire juste avant de rentrer chez vous, le poil de fesse qui manque à Jean-Luc Mélenchon pour être au second tour, on peut le nommer. Évidemment qu'en 2017, en 2012, les communistes étaient avec nous et nous on a passé la campagne à dire des dispersions qui pourraient être évitées. Quand vous voyez que ce matin Jean-Luc Mélenchon finit à 22% et que Marine Le Pen est un point devant nous et que Fabien Roussel fait 2,5 points, oui, ces voix nous ont manqué incontestablement. Alors on regarde maintenant dans les 15 jours qui viennent comment en 2017 une consultation interne en vue du second tour va être organisée au sein de votre parti. Le vote d'extrême droite ne sera pas une option dans cette consultation. Jean-Luc Mélenchon a dit hier à 3 reprises hier soir, il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Expliquez-nous, Adrien Quatennin, ce que ça veut dire exactement. Votez Macron, faites ce que vous voulez, votez blanc, n'y allez pas si vous voulez. Expliquez-nous ce que veut dire cette phrase. Vous avez très bien résumé. Ça veut dire que le vote d'extrême droite n'est en aucun cas une option. Que je dis clairement à votre micro ce matin que le peuple n'a rien à gagner à une victoire de Marine Le Pen, clairement. Que donc ça n'est pas une option, et nous le disons clairement. Pour le reste, la responsabilité totale de ce qui va se produire au second tour incombe au principal protagoniste, qui a, donc Emmanuel Macron, qui a d'abord, lui, une responsabilité dans le niveau auquel se trouve l'extrême droite aujourd'hui. Non seulement par la politique qu'il a menée, avec brutalité, mais aussi par le fait qu'on l'a vu, souvenez-vous-en, à un moment, réhabiliter Pétain et Maurras au détour d'une interview. On a vu un ministre de l'Intérieur, sur un plateau de télé du service public, dire à Madame Le Pen que sur son programme, y compris sur la question de la stigmatisation des musulmans et la manière dont ils étaient traités, elle était trop molle. Donc, Emmanuel Macron, aujourd'hui, c'est à lui de faire le nécessaire. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Ça veut dire quoi? Parce que on a entendu Jean-Luc Mélenchon dire un peu la même chose, qu'il fasse le nécessaire. Aujourd'hui, veut dire quoi, le nécessaire? On n'attend rien de lui. Moi, j'ai pas envie renoncer à la retraite de 65 ans. J'ai pas envie d'entrer dans une négociation avec Emmanuel Macron. Par contre, je crois que ce qui apparaît clairement hier, c'est 3 blocs politiques qui donc ne solutionnent rien à la crise politique du pays. Et il n'y a pas de majorité politique dans ce pays enthousiasmée par le programme d'Emmanuel Macron, qui en plus, dans ce qu'il a présenté ces dernières semaines, est d'une brutalité sans nom. La retraite à 65 ans, le fait d'imposer du travail aux allocataires du RSA, aux gens qui sont dans une précarité sans nom, le fait de vouloir transformer l'école en une sorte d'entreprise où les proviseurs pourraient en quelque sorte devenir des managers. Mais alors, donc, vous allez faire quoi? Vous, Adrien Quatennin, le numéro 2 du parti de Jean-Luc Mélenchon. Mais moi, je vais vous dire. Vous faites quoi? Vous allez voter ou pas? Je ferai ce qu'il faut faire, mais je ne dirai pas ni ne donnerai de consigne de vote autre que de dire aux électeurs qui nous ont fait confiance, mais je crois que ça va de soi, ne votez pas pour l'extrême droite. Voilà, point. Et pour le reste, c'est la responsabilité d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez que ça suffit ce matin de dire cela? Ça n'est pas... Pardon, parce que on va entendre les No Passaran, le Front Républicain, etc. Est-ce que ça, c'est suffisant? Ou est-ce qu'il faut aller un peu plus loin et dire, il faut voter Emmanuel Macron? Vous vous dites non ce matin. Léa Salamé, les consignes de vote, aujourd'hui, en avril 2022, elle pourrait avoir un effet totalement contre-productif. C'est ne pas lire ce qu'est le pays et sa colère. L'extrême droite n'est pas une option. Et je crois que ça ne souffre d'aucune ambiguïté. Pour le reste, celles et ceux qui ont joué avec le feu, moi je peux dire que nous avons mené le combat contre le Rassemblement National, que y compris dans les dernières heures, les dernières semaines, nous nous sommes chargés, porte après porte, de convaincre des gens en leur disant « vous votez contre vos intérêts en votant pour cette femme ». Mais je n'ai pas vu qu'Emmanuel Macron, son gouvernement, ait fait la même chose parce qu'il rêvait d'un second tour qui était le bis repetita, le remake de 2017. Donc maintenant qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils s'interrogent eux sur le fait de savoir si avec le programme qu'ils ont présenté, ils sont en mesure de l'emporter. Mmh. C'est leur responsabilité. Adrien Quatennens, dans la perspective maintenant des législatives, tendez-vous la main à Europe Écologie Les Verts, au Parti Socialiste, au Parti Communiste, pour construire une vraie force de gauche à l'Assemblée? Vous savez, on l'a beaucoup tendu cette main, y compris il y a encore quelques semaines par des courriers écrits que vous avez vus circuler et on nous a envoyé balader. Donc moi aujourd'hui, ce matin, ce que je dis, c'est que tout ça va évidemment se discuter à la lumière, y compris du nouveau rapport de force qu'est celui que l'on voit à la sortie des urnes hier. Je veux dire, clairement, on comprend que l'avenir de ce pays à gauche, ça n'est pas la social-démocratie, c'est ce bloc populaire que nous avons constitué. Des tas de gens nous font confiance, comptent sur nous. Je leur dis, on sera au rendez-vous. Voilà. Alors après, on verra, on discutera de tout ça, mais en tout cas, aujourd'hui, nous, on sera au rendez-vous pour ces législatives. Je vais même vous dire une chose. Quand on voit la configuration d'hier, il s'agira aux élections législatives de faire le nécessaire, parce qu'Emmanuel Macron, je le crois, peut ne pas avoir de majorité à l'Assemblée. Il peut s'agir de lui imposer une cohabitation. Voilà, on est en mesure, si l'ensemble de celles et ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon hier renouvellent leur vote législatif, de lui imposer une autre majorité. Voilà notamment l'enjeu de ces prochaines législatives. Jean-Luc Mélenchon a assuré à plusieurs reprises que c'était sa dernière campagne présidentielle. Vous y croyez-vous? Ou il pourrait rempiler? Non, je le crois. Je le crois et donc ça nous oblige aussi parce que, vous savez, dans cette campagne, il y a eu beaucoup de témoignages sur le fait que le collectif qui apparaissait autour de Jean-Luc Mélenchon était solide. On a beaucoup parlé de notre programme, du fait qu'on l'avait chiffré, de la belle campagne qu'on avait menée, mais il y a aussi ce collectif. Et hier encore, on était autour de lui. Mais et alors ça, qui ça pour apparaît. Poursuivre l'œuvre, vous? Il y a incontestablement un noyau dur de cette génération qui l'a bâti lui. Et il y a peu de responsables politiques de sa génération qui ont fait en sorte qu'il puisse y avoir des jeunes qui prennent la suite. Lui, il s'est assuré de la pérennité de ce qu'on allait faire. Après, qui prendra la suite, franchement, c'est tôt pour le dire. Si on est intelligent, si on reste groupé comme on a su le faire tout au long de cette campagne, ben je pense que tôt ou tard, nous y arriverons. Voilà, le plus tôt sera le mieux. Adrien Quatennens, hein, merci beaucoup. Touché ce matin. Touché, ému, oui. Évidemment. Merci d'avoir été... Merci de m'avoir invité. C'est partout le bruit des bottes, c'est partout l'ordre en kaki. En Espagne, on vous garrotte, on vous étripe au Chili. On a beau me dire qu'en France... on peut dormir à l'abri des Pinochet en puissance, travaille aussi du képi. Quand un Pinochet rapplique, c'est toujours en général pour sauver la République, pour sauver l'ordre moral. On sait comment ils opèrent pour transformer les esprits, les citoyens bien pépère en citoyen vert de gris. À coup d'interrogatoire, de carottes et de bâtons, de plongeons dans la baignoire, de gégène et de tison. Il se peut qu'on vous disloque et qu'on vous passe à tabac, qu'on vous suicide en loustoc au fond d'un commissariat. On me fusille pour avoir donné du feu, pour avoir joué aux billes avec un petit hébreu. On va t'écraser, punaise, pour avoir donné du pain, pour avoir donné du pèse aux petits nord-africains. Il se pourrait qu'on m'accuse avec un petit gourdin d'avoir étudié Marcuse, d'avoir été sartrien. Ils auront des électrodes, ils diront tu veux du jus pour connaître la période où j'étais au PSU. À moins qu'il me ratatine pour mon immoralité, pour avoir baisé Delphine, pour avoir été pédé. À moins qu'il ne me condamne à mourir écartelé entre l'amour de Roxane et celui du beau Dédé. Il se peut qu'on me douillette pour que je veuille attester qu'en 1967 je lisais l'Humanité. Il se peut qu'on me tourmente et qu'on me fasse avouer que dans les années 60, j'étais à la CGT. À moins qu'il me guillotine pour avoir osé chanter les marais du Potemkin et les camps de déportés. À moins qu'avec un hachoir, il me coupe les dix doigts pour m'apprendre la guitare comme ils ont fait à Hara. C'est partout le bruit des bottes, c'est partout l'ordre en kaki. En Espagne, on vous garrote, on vous étriffe au Chili. Il ne faut plus dire qu'en France, on peut dormir à l'abri des Pinochet en puissance, travaille aussi du képi. Travaille aussi du képi. Laurent Badian, qui est effectivement réputé comme être un très proche de Macron, quand on prononce son nom sur la place de Paris, tout de suite, il y a des réactions de crainte. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on craint beaucoup. On redoute ses mauvais coups, ses réseaux, sa redoutable intelligence. C'est-à-dire que même ses ennemis les plus farouches reconnaissent en lui un autodidacte vraiment redoutable. Il y aurait une sorte de pacte entre Laurent Fouché et Laurent Obadia, où Laurent Obadia protège actuellement Laurent Fouché puisque c'est Emmanuel Macron qui est au pouvoir. Et dans le cas où Marine Le Pen, ce qui est possibilité, arrive au pouvoir, bah ça serait Laurent Fouché qui protégerait Laurent Obadia. Donc il y a des intrications, et ça peut peut-être expliquer aussi pourquoi finalement on a laissé 8 millions d'euros d'argent sale rentrer sur le territoire français et sauver le parti de Marine Le Pen. Salut à toutes et à tous, il est 8h09, vous regardez Le Média, vous regardez toujours Le Média. C'est désormais le moment de lancer la deuxième partie de cette contre-matinale, la dernière d'avant le premier tour de la présidentielle, la dernière en direct en tout cas, parce que demain ce sera une matinale préenregistrée. Alors j'ai à mes côtés mon camarade et confrère Thomas Dietrich, Thomas qui travaille comme beaucoup d'entre vous le savent à la résurrection de notre pôle enquête. Il vient nous pitcher sa dernière pièce d'investigation, un article réservé aux abonnés, abonnez-vous, et dont le titre est « Laurent Obadia, la sulfureuse éminence grise de la Macronie ». Nous allons voter demain, et il est important de connaître le système qui nous a dirigés depuis 2017 et qui entend nous diriger jusqu'à 2027. Certes, on connaît déjà les figures qui sont ou ont été sous les feux des projecteurs, comme Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, considéré par certains comme le vice-président, comme les déchus, Sibeh Ndiaye et Benjamin Griveaux, comme Ismaël Emelien, comme Alexandre Benalla, comme l'influente Mimi Marchand. Mais on connaît moins d'autres figures centrales mais secrètes, comme Laurent Obadia, un des hommes les plus puissants de Paris, qui se trouve à l'intersection entre les mondes de la communication, du renseignement et des réseaux d'argent trouble. Pendant plusieurs mois, Thomas, tu as enquêté sur cet homme dont l'itinéraire nous en dit beaucoup sur la Macronie telle qu'elle est en elle-même. Ça va, Thomas ? Ça va très bien, et toi ? Ça va. En vérité, tu tombes sur Laurent Obadia un peu par hasard, alors que tu enquêtes sur Laurent Fouché, la figure de la France-Afrique liée au Kazakhstan, qui a sauvé le parti de Marine Le Pen, et Marine Le Pen, donc, sa carrière politique, d'une ruine certaine en 2017. Oui, c'est-à-dire pendant des mois, j'enquête sur cet argent sale qui a sauvé à la dernière minute Marine Le Pen en 2017. cet homme d'affaires qui s'appelle Laurent Fouché, qui a fait beaucoup d'affaires troubles en Afrique, qui prête 8 millions d'euros qui proviennent de paradis fiscaux. Et j'ai enquêté pendant des mois, et notamment j'arrive à prouver que cet argent qu'a Laurent Fouché, vient pas d'une fortune personnelle qu'il aurait honnêtement gagnée, mais d'argent qu'il a escroqué à des oligarques du Kazakhstan qui sont des opposants et qui sont réfugiés en Europe. Et c'est vrai que Laurent Fouché, c'est un personnage d'influence, c'est un peu un vieux dinosaure de la France-Afrique, donc on le retrouve aux confins de plein de réseaux, du fils de François Mitterrand, Jean-Christophe Mitterrand, de Claude Guéant, et je vois passer le nom de Laurent Badia, qui est pas un nom inconnu, mais qui est pas très familier du grand public. Le seul journaliste d'investigation qui a un peu travaillé sur lui, c'est Marc Andevel dans ses deux bouquins, Macron le grand manipulateur et l'emprise. Mais c'est pas un nom qui fait la une des médias comme a pu le faire celui d'Alexandre Benalla. C'est pas un intermédiaire qui est très connu, alors qu'il est très intéressant. Et quand on prononce son nom sur la place de Paris, tout de suite, il y a des réactions de crainte, c'est-à-dire c'est quelqu'un qu'on craint beaucoup, on redoute ses mauvais coups, ses réseaux, sa redoutable intelligence, c'est-à-dire que même ses ennemis les plus farouches reconnaissent en lui un autodidacte vraiment redoutable. Et donc, effectivement, c'est quelqu'un qui a côtoyé Laurent Fouché. Ils ont été ensemble, ils se sont rencontrés d'abord au Congo dans les années 2000. Laurent Fouché travaillait dans le pétrole, et puis Laurent Badia était présent aussi puisqu'il a des réseaux africains, et ils se sont recroisés sur l'affaire des oligarques kazakhs, puisque c'est les oligarques kazakhs ont fui le Kazakhstan pour se retrouver en Europe puisqu'ils étaient les opposants à la dictature locale, et le président kazakh Nursultan Nazarbayev a poursuivi ces opposants-là en les accusant de malversations financières. C'est deux opposants très riches, il y a notamment le Mukhtar Ablyazov, qui est un ancien banquier, un milliardaire, qui est devenu l'ennemi numéro un, l'ennemi juré du régime kazakh. Et donc, Laurent Fouché est devenu un peu l'homme de paille de ces oligarques kazakhs, parce qu'il les a aidés à cacher leur argent dans des pseudos investissements en Afrique. En fait, on va se rendre compte que Laurent Fouché escroque ses kazakhs et garde tout l'argent pour lui. Et je me rends compte que ce Laurent Badia-là, qui est effectivement réputé comme être un très proche de Macron, qui est le mentor d'Ismaël Emeyen, qui a longtemps été le conseiller spécial d'Emmanuel Macron, qui a aidé dans toute la période de l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron, quand il est au ministère de l'économie, après pendant la campagne, et qui va être son conseiller spécial à l'Élysée jusqu'en 2019, Laurent Badia va être le conseiller en communication de ces opposants kazakhs-là, de ces oligarques, et va être accusé d'avoir joué un jeu très trouble, un jeu qui relève plus de l'espionnage que de la communication. En tout cas, on est frappé par la connivence, les connexions entre vraiment le cœur nucléaire de la Macronie et le cœur nucléaire du système Le Pen. Deux personnes qui, a priori, devraient être ennemies, mais en fait, qui font des choses ensemble. Donc, on parle donc de Laurent Obadia et de Laurent Fouché. Ah oui, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que moi, j'ai confronté Laurent Badia, qui a reconnu que Laurent Fouché était un ami, mais qui n'avait jamais eu de relation professionnelle ensemble. Mais une pièce qu'on révèle dans l'enquête que je sors aujourd'hui, c'est que il y a une facture de 26 000 francs suisses, soit 20 000 euros, où Laurent Fouché offre une semaine de vacances à la montagne à Laurent Badia. Alors, quand j'ai appelé Laurent Badia, Laurent Badia niait, parce que c'est quand même un gros montant, et on peut se demander est-ce que c'est un simple cadeau ou c'est quelque chose d'intéressé. Mais en fait, j'ai pu avoir en ma possession, on le publie dans l'enquête, plusieurs mails qui montrent que Laurent Badia a bien accepté ce cadeau, et on peut se poser pourquoi il l'a accepté. Et c'est vrai que les deux hommes sont toujours en contact, malgré le fait que Laurent Fouché ait prêté 8 millions d'euros au Front National et que Laurent Badia soit devenu un très proche d'Emmanuel Macron, même s'il est aujourd'hui le numéro 2 de Veolia, on en parlera plus tard, le directeur de la communication de Veolia. Donc c'est vrai qu'il y a certaines sources qui osent même croire qu'il y aurait une sorte de pacte entre oui. Laurent Fouché et Laurent Obadia, où Laurent Obadia protège actuellement Laurent Fouché puisque c'est Emmanuel Macron qui est au pouvoir. Et dans le cas où Marine Le Pen, ce qui est une possibilité, arrive au pouvoir, ça serait Laurent Fouché qui protégerait Laurent Obadia. Donc il y a des intrications, et ça peut peut-être expliquer aussi pourquoi finalement on a laissé 8 millions d'euros d'argent sale rentrer sur le territoire français et sauver le parti de Marine Le Pen. Parce que ce Laurent Fouché-là a été condamné à de multiples reprises à rembourser des prêts qu'il avait pris et qu'il n'avait jamais remboursés. Son argent, il l'a caché dans des paradis fiscaux. Donc normalement, ça aurait dû, dès que ces 8 millions d'euros sont arrivés sur le sol français, ça aurait dû déclencher des alertes rouges. Sauf qu'en fait, il n'y a rien eu. Effectivement, il y a une réaction du côté de la banque, du Front National, de la Société Générale. Mais du côté de TRACFIN, on a mis quand même 2 ans avant que TRACFIN, qui est notre service anti-blanchiment, fasse une alerte au niveau du parquet national financier. Et depuis, on est quand même sans nouvelles. Alors que ce Laurent Fouché a un profil quand même très particulier, très trouble. Et cet argent-là est, disons-le, pas gagné honnêtement. Donc, est-ce que finalement, on a laissé cet argent arriver sur le compte du FN parce que le FN en a vraiment besoin. C'est-à-dire, faut se rappeler du contexte. Sans ça, c'était la fin. C'était la fin. On est après le deuxième tour de l'élection présidentielle. Marine Le Pen vient de se prendre une claque. Et le problème, c'est qu'elle est en déficit. C'est-à-dire que si elle n'arrive pas à équilibrer ses comptes de campagne, ils ne seront pas validés par la commission des comptes de campagne. Et donc, le contribuable ne pourra pas rembourser les dépenses qui ont été engagées à l'élection présidentielle. Donc, c'est la faillite du Front National. Et ces 8 millions d'euros arrivent comme par enchantement, partant un peu de l'île Maurice, passant par Abu Dhabi, et sauvent le Front National. Donc est-ce que finalement, on aurait laissé sauver la meilleure ennemie d'Emmanuel Macron, en tout cas celle qui était un peu l'assurance-vie à l'époque d'Emmanuel Macron? Le deuxième tour, Le Pen-Macron, en 2022, était déjà dans tous les esprits. Et finalement, ils ont fait tout pour y arriver. Il y a des vraies intrications, ça veut dire entre la Macronie et l'extrême droite. Mais sur ce prêt en particulier, il n'y a pas que la relation entre Laurent Fouché et Laurent Badia, il y a la relation entre l'intermédiaire qui a fait le prêt et la Macronie. Et cet intermédiaire, il s'appelle Jean-Luc Schaffhauser. Alors, c'est un personnage qui est proche de Moscou, qui a ses troupes, qui a été député européen du Front National entre 2014 et 2019. Et c'est lui qui, à plusieurs reprises, va décrocher des prêts pour le Front National. D'abord un prêt d'une banque russe, qui a d'ailleurs toujours pas été remboursé par le Front National, et ensuite ce prêt de Laurent Fouché. Et il va toucher des commissions pour ce prêt. Notamment, le prêt de 2017, c'est des commissions qui se mangent jusqu'à 300 000 euros. D'ailleurs, la justice enquête là-dessus et a perquisitionné le domicile de Jean-Luc Schaffhauser. Mais quand on lit un peu entre les lignes, on se rend compte que Jean-Luc Schaffhauser a aussi organisé une rencontre. Alors ça, c'est sorti dans la presse camerounaise, mais ça n'a jamais été démenti. C'était vraiment très bien informé. Il a organisé une rencontre entre 2019 entre Alexis Kohler, qui est le secrétaire général de l'Élysée, donc le vice-président que tu évoquais tout à l'heure, et le secrétaire général à la présidence camerounaise, Ferdinand Ngoengo. Pourquoi cette réunion? C'est parce que, les gens ont supposé, mais il y avait la renégociation de l'attribution du port de Douala, qui précédemment était à Vincent Bolloré. On sait la concurrence qu'il y a entre Vincent Bolloré et Emmanuel Macron, et comme par magie, comme par enchantement, quelques mois plus tard, quelques mois après ce rendez-vous qui aurait été organisé par Jean-Luc Schaffhauser, le contrat a été donné à MSC, qui est une compagnie italienne, mais dont la famille, qui est le principal actionnaire, a des liens avec Alexis Kohler. Voilà, c'est la famille d'Alexis Kohler. C'est la famille d'Alexis Kohler. Donc, il y a vraiment des liens, il y a des intrications qui expliquent peut-être pourquoi on ne s'est pas vraiment intéressé à ce prêt de 8 millions d'euros. Et on a dit que oui, c'était un homme d'affaires français qui avait sauvé le Front National sans se préoccuper de ce qu'il y avait derrière. Donc, en gros, c'est un député, un ancien parlementaire RN qui est en fait l'intermédiaire au Cameroun de la Macronie pour obtenir des gros marchés. On croit rêver. Alors, au-delà de cette étrange, très étrange collusion avec le bienfaiteur de Marine Le Pen, Laurent Obadia est un communicant aux 1000 réseaux. En tout cas, comme Alexandre Djouri, il a été formé à l'influence et au fric, il faut le dire, au fric pas très net, par la droite. Il a cheminé avec la Sarkozy avant d'être débauché par la Macronie. Ça, c'est aussi une sorte de constante dans les hommes de l'ombre de la Macronie. Macronie viennent souvent de la Sarkozy. Alors, vous racontez un peu le parcours de Laurent Badia, parce que c'est quelque chose qui n'a pas été beaucoup raconté et c'est digne d'un roman de Balzac. Dire Laurent Badia vient d'une famille très modeste de Clichy, donc de banlieue parisienne. Alors, il a, c'est pour la petite anecdote parce qu'on choisissait pas sa famille, mais son grand-oncle est Jean-Claude Pérez, qui est un des fondateurs de l'OAS hein, en Algérie, et son oncle est Francis Pérez, qui est le roi des casinos en Afrique et qui est très proche de certains dictateurs. C'est pour ça que Laurent Badia va pouvoir très facilement s'intégrer dans des cercles de pouvoir en Afrique par la suite. Et donc, ce Laurent Badia commence sa carrière très modestement puisqu'il est professeur de ping-pong à la municipalité de Clichy. Mais il va faire des rencontres petit à petit au cours des années 90, notamment avec un monsieur, peut-être les plus anciens s'en souviennent, qui s'appelait Didier Schuller, qui a été mêlé dans des affaires de financement occulte du RPR. Et grâce à ces rencontres, ouais, les gens d'un âge vénérable comme nous s'en souviennent, oui. Et qui avait, au lieu de se rendre à la justice, qui était parti faire bronzette aux Bahamas, qui avait fui la justice. Et donc, effectivement, petit à petit, il va se reconvertir et il va entrer à Vivendi Environnement, qui est l'ancêtre de Veolia Environnement. Il va se reconvertir dans le conseil. Il va travailler à Euro-RSCG, qui est l'ancêtre de Havas, qui est aujourd'hui détenu par la famille Bolloré. Il va devenir quelqu'un de très en cours sur la place de Paris. Il va devenir notamment, alors il y a eu quelques articles qui sont sortis à l'époque assez savoureux, il va devenir le communicant de Liliane Bettencourt, la milliardaire, au moment où Liliane Bettencourt est prise dans une tempête médiatique absolument incroyable, puisque il y a la question de sa mise sous tutelle, et puis on l'a soupçonné d'avoir été un peu trop généreuse avec l'entourage de Nicolas Sarkozy. Et donc Laurent Abadia, pour 80 000 euros par mois, c'est quand même une coquette somme, va assurer la communication de Liliane Bettencourt et va l'emmener dans des voyages, et notamment à l'île Maurice. Parce que si on parle de Laurent Abadia, on doit aussi parler de l'île Maurice. Parce que justement, sa carrière connaît un accélérateur quand il réussit à se créer des réseaux forts à l'île Maurice, un paradis fiscal bien plus ensoleillé et plus discret que le Luxembourg, par exemple. Oui, alors, il y a aussi un personnage qui est incontournable dans la carrière de Laurent Abadia, qui est une autre sorte de self-made man, une sorte de Rastignac, hein, qui sont un peu pareils, hein, c'est des personnages qui se sont construits eux-mêmes et qui fascinent d'ailleurs, ça, c'est Alexandre Djoury. Il va devenir très proche d'Alexandre Djoury, d'ailleurs. En 2004, ils vont même finir en garde à vue ensemble pour avoir frappé un intermédiaire au palace Georges V. Ça avait fait les choux gras de la presse. Et ils vont être pendant des années très proches. Et Alexandre Djoury va ouvrir les portes des réseaux de la Sarkozy à Laurent Abadia. C'est vrai qu'Alexandre Djoury est l'homme est un des hommes de l'ombre incontournables de la Sarkozy, une sorte de prince occulte de la République. Il va bien évidemment tremper dans l'affaire du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2017 par la Libye. Financement dont on soupçonnera une partie d'avoir été planqué à l'île Maurice. Et effectivement, on peut pas comprendre Laurent Abadia sans comprendre son ancrage à l'île Maurice, parce que dès la fin des années 90, il se retrouve là-bas. Alors on sait pas trop comment, parce qu'il y a des zones d'ombre dans son parcours. C'est quand même quelqu'un qui est communicant, mais qui est très très lié au service de renseignement, notamment à la DGSE, et il se retrouve là-bas. Il devient conseiller économique du Premier ministre. D'ailleurs, pendant des années, alors qu'il continue à travailler pour Veolia, il va continuer à être conseiller commercial de l'ambassade de l'île Maurice à Paris. Il va avoir plein de fonctions comme ça. Par exemple, on le retrouve au Gabon, où il va être carrément dans la délégation officielle du président Ali Bongo, hein, qui est quand même un despote et un dictateur et qui a succédé à son père. Délégation qui se rend à un sommet officiel sur le climat et sur le développement durable à Rio en 2012. Donc, c'est un personnage qui évolue dans plein de milieux, qui va effectivement continuer son ascension à Veolia, il va devenir le directeur de la communication et le bras droit de l'actuel PDG Antoine Frérot, et aujourd'hui il en passe de devenir le numéro 2. C'est pas rien pour quelqu'un qui est parti de rien et qui s'est hissé à la seule force de son intelligence et de son entregent. Alors, il fait progressivement son trou à Veolia, comme tu le dis, mais il continue de nombreuses barbouzeries à titre privé, en toute impunité. On le retrouve en France-Afrique, mais aussi dans l'ex-Union soviétique, où il fait des coups, alors qu'il travaille quand même pour une boîte respectable, et il fait ses coups là en toute impunité. Donc on commence peut-être par la France-Afrique. Oui, alors bon, effectivement, la France-Afrique, alors il aide par exemple au Congo une société qui s'appelle Morel & Prom à obtenir un contrat. Effectivement, sa proximité avec l'île Maurice est importante et attire de nombreux hommes d'affaires, parce qu'il faut savoir que l'île Maurice est devenue petit à petit un paradis fiscal, hein, très envié. Et effectivement, l'entregent de Laurent Abadia là-bas peut beaucoup aider et peut lui ramener beaucoup d'amis. Mais c'est moi ce que je révèle dans cette enquête, c'est véritablement ce qui s'est passé avec plusieurs oligarques. Ça veut dire qu'il a carrément fait de l'espionnage de plusieurs oligarques pour le compte de mystérieux clients. Alors, il est à cette époque-là, on est en 2013-2014, il travaille pour Veolia, il est directeur de la communication, mais il est toujours très proche de la Sarkozy et notamment de Bernard Squarcini, qui est l'ancien directeur des renseignements intérieurs de Nicolas Sarkozy, hein, le maître espion de Nicolas Sarkozy, qui, en 2012, a été débarqué par la gauche, qui a pris sa retraite de la fonction publique et qui a fondé son cabinet privé. Et moi, ce que je révèle, c'est certains échanges entre Bernard Squarcini et Laurent Abadia, où en fait, Laurent Abadia demande à faire espionner un milliardaire ukrainien qui n'est pas n'importe qui est Ihor Kolomoïski, qui est le mentor de Zelensky. C'est lui qui fabrique l'actuel président ukrainien, parce que c'est lui qui possède, Kolomoïski possède la télévision ukrainienne 1+1 dans lequel Zelensky va jouer son rôle, tu sais, de cette série où il imagine, il joue le rôle d'un président. Et c'est lui qui va véritablement propulsquer Zelensky pour le mettre au pouvoir. D'ailleurs, Kolomoïski est un personnage assez sulfureux puisque il est accusé d'évasion fiscale. Il est accusé aussi d'avoir financé certaines milices ukrainiennes et notamment le fameux bataillon Azov qui est suspecté de sympathie néo-nazie. Mais en 2014, alors qu'on est juste après la révolution de Maïdan, c'est-à-dire Laurent Badia va faire espionner pour le compte d'un mystérieux client dont le nom n'est jamais évoqué dans les mails, ce Kolomoïski-là. Alors c'est très simple, c'est-à-dire on missionne un cabinet d'intelligence économique, comme on dit, en fait, d'espions, hein, qui font faire des filatures, qui vont aller dans les hôtels où Kolomoïski a l'habitude de résider, à Monaco, à Grasse, à Cannes, à Genève, et puis qui vont fournir à Obadia, via sa secrétaire à Veolia, donc le conflit d'intérêt est quand même pas mal, tout un tas d'informations sur Kolomoïski, sur sa résidence, enfin des informations confidentielles qui n'auraient jamais dû être arrivées dans ses mains. Et il va faire pareil, effectivement, ce qu'on a évoqué au début avec ces oligarques kazakhs, c'est-à-dire il prétend être leur communicant, c'est-à-dire il touche 15 000 euros par mois, qui sont versés d'ailleurs sur le compte d'une société qu'il a basée en Irlande, hein, qui est plus favorable fiscalement, mais en réalité il est accusé d'avoir joué double jeu et en fait d'avoir informé et échangé sur le sujet avec Bernard Soissini qui lui travaillait pour les ennemis de ces oligarques-là, qui était l'État du Kazakhstan, et donc d'avoir finalement trahi ces oligarques. Alors, quand je l'ai appelé et que je lui ai posé la question, il a toujours nié ça, il a rejeté la faute sur Bernard Soissini, l'accusant d'avoir survendu et menti dans les notes qu'il envoyait à l'État du Kazakhstan, mais il n'en reste pas moins que il y a quand même des preuves assez probantes, et surtout, il m'a dit que oui, mais j'ai jamais rencontré Monsieur Ablyazov et Monsieur Krapounov, qui sont ces oligarques-là, hein, ces oligarques opposants, alors qu'en fait, les documents d'imposition montre qu'il les a bien rencontrés à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, M. Krapounov m'a dit qu'on ne pouvait pas embaucher quelqu'un sans l'avoir quand même au préalable rencontré. C'était quand même quelque chose d'important d'avoir un communicant. Donc tout ça, c'est de l'espionnage. C'est de l'espionnage. Ce n'est plus du tout de la communication. C'est de l'espionnage au profit de mystérieux clients qui peuvent être des puissances étrangères. On sait qu'à l'époque, la Russie avait lancé un mandat d'Interpol contre le milliardaire ukrainien Ihor Kolomoïski. Donc c'est vrai que c'était en totale contradiction avec ses activités à Veolia, mais c'est vrai qu'il a été embêté, par exemple, il a été perquisitionné dans l'affaire Bettencourt. Il a été cité dans cette affaire d'espionnage d'opposants kazakhs, mais il n'a jamais été mis en examen par la justice. Il est toujours passé entre les mailles du filet, contrairement, par exemple, à Bernard Soissini, qui est aujourd'hui mis en examen pour avoir fait de l'espionnage pour avoir espionné Fakir ou pour avoir espionné plein d'autres entités qui n'auraient pas dû espionner. En tout cas, il est aussi en première ligne, Laurent Obadia, dans le dossier délicat de la fusion un peu forcée entre Suez et Veolia, les deux géants de l'eau. Alors, sur ce dossier, le parquet national financier enquête et ce sera important dans les années qui viennent, les années où on aura peut-être encore Emmanuel Macron président. Le parquet national financier enquête, entre autres, enfin, étant donné qu'on sait que la justice enquête sur beaucoup de proches de Macron, mais en tout cas, lui, il enquête sur le rôle dans cette fusion un peu forcée et un peu, enfin, et carrément contraire à l'intérêt général. Il enquête sur le rôle du secrétaire général de l'Élysée, donc Alexis Kohler, et Laurent Obadia est accusé des pires turpitudes, mais pour l'instant, pas judiciairement. Alors, ce qui se passe, pour rappeler un peu le contexte, c'est-à-dire qu'il y a deux géants de l'eau et des déchets qui sont Veolia et Suez, c'est-à-dire on a deux champions en France, et qui d'ailleurs se font la guerre depuis des décennies, qui ont tenté de s'entrebouffer l'une l'autre à tour de rôle. Et Veolia, à un moment, donc sous Macron, tente de faire une OPA sur Suez pour avaler Suez. Et alors que ça n'a aucun sens économiquement, alors que ça risque de mettre des milliers de personnes sur le carreau, hein, que des milliers de personnes risquent de perdre leur poste, alors qu'en plus ça risquerait de créer un monopole privé de la distribution d'eau, c'est-à-dire que les collectivités territoriales seraient soumises à la toute-puissance d'une fusion entre Veolia et Suez. Et en plus, ça risque aussi d'obliger, notamment en raison des règles européennes, à laisser entrer un acteur étranger dans le voilà, système. Bref, il y a toutes les raisons de ne pas en vouloir. Il y avait toutes les raisons de ne pas en vouloir, mais l'Élysée va pousser cette OPA. Et d'ailleurs, elle a réussi, puisque Suez a été réduit à la portion congrue et Veolia a officiellement racheté Suez en janvier dernier. Et bien évidemment, tout l'état-major de Veolia était à la manœuvre. Antoine Frérot, le PDG, qui va partir cet été, mais aussi son bras droit, Laurent Badia, qui a été vraiment... On a acheté toute la place de Paris, des communicants, des journalistes, enfin tout le monde, pour faire passer la couleuvre et faire en sorte que cette fusion réussisse, alors que c'était un non-sens économique, social, enfin tout ce qu'on voulait. Et c'est vrai qu'il y a eu des choses un peu étranges qui sont quand même passées. C'est que il y a eu des hackings de la boîte mail de dirigeants de Suez, il y a eu des filatures de dirigeants de Suez, il y a eu des gens qui se baladaient au 40e étage de la tour Suez à la Défense, qui se sont fait choper dans des bureaux, ils disaient on voulait juste admirer la vue panoramique. Donc pendant qu'il y avait cette OPA, c'est vrai qu'il y avait tout un tas de barbouzeries dont on n'a jamais pu déterminer l'origine officiellement, mais que les soutiens de Suez ont attribué à Veolia. Et c'est vrai que Laurent Badia est l'homme de toutes les missions sensibles. Il s'appuie, d'ailleurs, il s'est appuyé sur Ismaël Emilien, parce que Ismaël Emilien, ils sont toujours amis. Quand Ismaël Emilien a quitté l'Élysée en 2019, il a fondé son cabinet de conseil. Donc, il a travaillé avec Laurent Badia. Il a Veolia comme, et Emilien a Veolia comme client, et il a travaillé avec Obadia sur cette question, sur cette OPA de Veolia sur Suez. Et Laurent Badia, c'est aussi, ça c'est quelque chose dont Marc Andevel a déjà parlé, mais c'est aussi appuyé sur un cabinet qu'on dit d'intelligence économique, qui est plutôt de renseignement privé, qui s'appelle Axis & Co. C'est une toute petite société discrète qui est basée à Paris et à Genève et qui a été suspectée par certaines sources de Suez. Alors encore une fois, il n'y a pas de preuve, mais qui a été suspectée d'avoir hacké l'ordinateur du dirigeant de Suez pour le compte de Veolia. Et quand on s'intéresse... Ce qui serait une monumentale fraude, en fait. Ce qui serait complètement illégal et bien évidemment qui montrerait ce à quoi était prêt Veolia pour avaler Suez, le tout avec la bénédiction de l'État et avec la bénédiction d'Alexis Kohler, dont Badia est aussi proche, qui a favorisé ce deal qui était complètement inéquitable et qui est même accusé, parce que le PNF, tu l'as rappelé tout à l'heure, enquête sur lui, qui est même accusé d'être sorti de son rôle et d'avoir favorisé ce deal. Donc, mais pour en revenir à Axis, parce que c'est assez intéressant, c'est vraiment la galaxie de Laurent Badia. Axis est dirigé par un monsieur qui s'appelle Jean-Renaud Fayol. Alors Jean-Renaud Fayol, c'est un ancien syrien, quelqu'un de très très conservateur, très à droite de l'échiquier, et qui a été un peu partout, qui a combattu aux côtés de la guérilla Karen en Birmanie, qui à un moment a été accusé d'avoir voulu faire un coup d'État au Congo. Alors, il y a eu une parodie de procès qui a été organisée par le dictateur Sassou Nguesso. Mais lui aussi, c'est vraiment un proche d'Obadia et c'est aussi un proche d'Emmanuel Macron. Donc, encore quelqu'un qui est très à droite, qui est dans l'entourage d'Emmanuel Macron, même si c'est un entourage un peu secret et certaines mauvaises langues parlent de cabinet noir. Dans cette société Axis, vous avez aussi l'ancienne journaliste qui est assez connue de la place de Paris, Mélanie Delattre, qui a quitté le métier, qui avait été pas mal condamnée pour diffamation et qui, en 2018, souvenons-nous, avait publié un livre très très critique sur Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est la Macronie s'appuie aussi sur ces hommes de l'ombre comme Obadia et aussi sur ces cabinets d'intelligence économique qui sont enfin, prêts à faire les... ce sont des officines privées d'espionnage, quoi. Oui, ça peut être considéré comme des cabinets noirs. Donc évidemment, ça permet de faire des bases œuvres et tout ça au détriment de salariés, puisque la fusion Veolia Suez va mettre quand même beaucoup de salariés sur le carreau. Alors, plusieurs de tes interlocuteurs ont dit, et tu me l'as déjà dit, craignent Laurent Badia, sa puissance, sa capacité de nuisance. C'est assez extraordinaire parce que quand j'ai fait cette enquête, tous les gens que je rencontrais, pourtant bon, j'ai un peu de bouteille et j'ai un peu bourlingué en Afrique, donc on va dire que des gens un peu sympathiques, j'en ai croisé, me disaient « fais attention, parce que voilà, Laurent Badia n'aime pas qu'on enquête sur lui ». Il me déconseillait en disant « c'est quelqu'un de très puissant qui a beaucoup de réseau ». Alors moi je l'ai appelé au téléphone, il m'a répondu, on a échangé pendant 10 minutes, bien évidemment c'était pas un échange des plus cordiales, mais il m'a répondu, on a pu confronter certains points de vue, mais ça montre à quel point ces intermédiaires-là peuvent être craints en raison de leur poste à Veolia, en raison des secrets qu'ils conservent, parce qu'évidemment, quelqu'un qui a des liens avec l'île Maurice peut savoir beaucoup de choses. Faut savoir aussi que, par exemple, quand Laurent Fouché déménage chez Société parce que il doit plein d'argent à tout le monde, il déménage chez Société ou à l'île Maurice. Donc on peut se demander si c'était pas à l'instigation de Laurent Badia. En tout cas, c'est très troublant, ces liens vraiment entre Laurent Obadia et Laurent Fouché. Et ça nous raconte autre chose que, en fait, les affrontements un peu théâtralisés entre la Macronie et l'extrême droite qui ont pourtant marché la main dans la main et eu une stratégie commune de monopolisation du champ politique pendant au moins 5 ans. Oui, et puis c'est-à-dire qu'en fait, finalement, ces intermédiaires-là, bon, enfin, l'argent n'a pas d'odeur, c'est-à-dire c'est des gens un peu sans colonne vertébrale qui peuvent passer d'un camp à un autre, qui sont capables de se recycler. C'est-à-dire Laurent Badia s'est recyclé, il a été très très proche de la Sarkozy, et puis à un moment, il abandonne Alexandre Joury, qui est pourtant son ami intime, il abandonne Squarcini, qui sont englués dans les affaires judiciaires, et il se met à la roue de la Macronie. Il n'y a pas que moi qui le raconte, il y a Marc Andevel qui le raconte, et il devient très très proche de Macron, au point d'être un rouage essentiel, parce qu'il faut savoir que quand même là, il n'est pas devenu ministre. On me raconte qu'il nomme les ministres, alors est-ce que c'est du fantasme ou est-ce que c'est la réalité, mais l'OPA de Veolia sur Suez était quand même un intérêt très stratégique d'Emmanuel Macron. Alors on va voir si Emmanuel Macron est réélu, est-ce que par exemple Laurent Badia pourrait rentrer au gouvernement. En tout cas, c'est une possibilité, ça fait partie de ces personnages un peu troubles, comme Mimi Marchand, comme Alexandre Benalla, mais qui, comme le Sparadrap du capitaine Haddock, restent collés à la Macronie, parce que peut-être qu'ils en savent beaucoup. Alors, combien de temps t'a-t-il fallu pour démêler la pelote de laine qui t'a conduit jusqu'à cette éminence grise de la Macronie ? C'est important de le dire pour voir à quel point c'est exigeant le journalisme d'investigation. Oui, parce qu'en fait, c'est-à-dire que quand on révèle des choses sur quelqu'un, il faut être précis dans ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il faut être précis, il faut que ça soit circonstancié. On ne peut pas seulement relayer des rumeurs, parce que effectivement, on attaque une personne, on attaque une personne qui a une famille, qui a un entourage, qui tient à sa réputation. Donc il faut être le plus précis pour ne pas nuire inutilement, et puis aussi pour s'éviter un procès. C'est très important d'être exact, de ne pas seulement se reposer sur des faisceaux d'indices. Là, quand on parle du lien entre Laurent Fauché et Laurent Badia, c'est une facture d'un chalet à Megève qui a été payé en 2014 et tout ça. Et pourquoi a-t-il été payé quand même, on peut se poser la question. Donc c'est très important ça et effectivement ça prend du temps de recouper les sources, de recouper ce que vous disent les sources, de vérifier, de contre-vérifier. C'est très long. Moi, cette affaire là puisque je l'englobe un peu avec l'affaire du prêt du Front National de 8 millions d'euros, elle m'a pris plusieurs mois. J'ai commencé à enquêter en République centrafricaine en juin dernier, et après ça m'a pris plusieurs mois pour remonter le fil de cet argent sale, de cet argent qui a sauvé le Front National, et tomber sur effectivement ce qu'on peut qualifier d'éminence grise de la Macronie, ce Laurent Badia. C'est troublant, c'est très troublant. Alors merci Thomas, merci vraiment d'être allé au fond de cette affaire et de nous montrer en réalité notre réalité politique telle qu'elle ne veut pas se dévoiler, mais telle qu'elle est en réalité, et ce qui peut nous donner vraiment à réfléchir sur les interactions entre les différentes forces politiques, entre des ennemis de la lumière qui peuvent des fois avoir des connexions de l'ombre. Alors vous le voyez, le journalisme d'investigation nécessite du temps, et c'est ce temps que vous nous donnez en prenant un abonnement payant aux médias à partir de 5 euros par mois. Le média, comme on le dit, risque de ne pas survivre au mois d'avril, bien entendu. Parmi vous, notre public, notre force. Beaucoup ont répondu présent quand il s'est agi de lancer des collectes pour des projets comme la matinale ou alors le pôle enquête de sa résurrection. Mais notre matelas de base, les abonnements, n'a cessé de s'user malheureusement. Aujourd'hui, même pas 1% des 715 000 abonnés YouTube ont fait le pas de nous appuyer sur une base mensuelle. Or, il nous faut 4 000 abonnés au plus vite. Soutenez-nous. Soutenez-nous. Cette matinale est la dernière en direct avant la présidentielle. Rendez-vous demain matin pour une première préenregistrée. G1000 sans ligne, notre journaliste entretiendra avec la journaliste Justine Rex, auteure d'un livre « La poudre aux yeux », une enquête sur l'organisation de l'impuissance publique sur la question écologique, mais qui peut s'élargir à d'autres domaines. Dimanche, ce sera une soirée spéciale électorale organisée avec nos partenaires, les médias indépendants, Street Press, Radio Parleur et Regard. Et le plus grand nombre possible d'intervenants, bien sûr. Restez connectés aux médias.

avez pu vous rendre dans une zone interdite aux étrangers, à Arlit, au Niger, où Al-Qaïda et l'État islamique mènent régulièrement des attaques, pour enquêter sur l'impact de l'extraction d'uranium par une mine gérée par la société française Orano, le nouveau nom d'Areva. Comment avez-vous pu y accéder, du coup ? Comme vous l'avez dit, c'est interdit aux étrangers. Oui. Donc, pour y accéder, on est obligé de passer par la garde nationale. Il faut une garde armée. Il faut 10 soldats pour faire le voyage depuis Agadez jusqu'à Arlit. La zone est très instable et donc ça demande forcément ces soldats qui sont avec nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui assurent notre protection. On n'avait pas le droit de rester plus de 15 minutes au même endroit pour des raisons de sécurité, semble-t-il. Et voilà, cette investigation était un peu particulière, forcément. C'est ce que vous racontez dans votre documentaire. Vous étiez accompagné pour cela d'Al-Mustapha Alassen, un habitant d'Arlit qui a travaillé pendant 30 ans pour Areva. Aujourd'hui, il a monté une ONG environnementale, Agirin Man. On va le retrouver dans un instant. L'idée, c'était de mesurer la radioactivité dans la ville grâce à une machine. D'où venait cette machine ? Un scintillomètre qui nous a été conseillé par une ONG indépendante en France qui s'appelle la CRIRAD. C'est la seule ONG qui travaille sur la radioactivité en France et qui est vraiment indépendante. Et on a voulu passer au crible la ville pour essayer de trouver des zones de radiation, dossiers, des investigations avaient été faites par le passé, notamment il y a plus de 10 ans, par la CRIRAD et ses partenaires et Agirin Man aussi. On voulait savoir si c'était encore le cas. Et donc, on a passé au crible, tout simplement, la ville. Et puis, au fil des investigations, on s'est rendu compte qu'il y avait ce qu'on appelle des hotspots, c'est-à-dire des endroits où la radioactivité est très, très élevée. Et justement, on va voir ça. Elle vous emmène notamment dans une école. Est-ce que vous découvrez juste impensable ? 1400, 1600, 1700, 2700, 3000 coups par seconde. Soit 30 fois au-dessus de la radioactivité naturelle. Allez, on y va. Les mesures en coups par seconde donnent une indication en temps réel des radiations. Le sol juste là. Les murs de l'école semblent irradiés. Nous appliquons les conseils du professeur Charéron. Si le compteur s'affole, c'est important, si possible, de prélever les matériaux solides qui sont à l'origine de cet affolement, les fragments de murs, les échantillons de sol, pour bien vérifier en laboratoire de quelle substance radioactive il s'agit. Arlit, ça c'est la terre, école. Une personne qui resterait ici 1h30 par jour dépasserait largement les doses maximales de radioactivité recommandées par année. Et d'ailleurs, après cette école, vous allez sur le marché aux ferrailles d'Arlit et à un moment donné, votre machine ne suffit même plus à mesurer la radioactivité. La machine s'emballe, elle est bloquée à 9,99, elle ne peut pas aller au-dessus, c'est-à-dire qu'on est à des niveaux de radiation qui sont impensables. Il faut rappeler que ce marché aux ferrailles, il y a donc de la ferraille contaminée, radioactive, et cette ferraille, elle ne sert pas pour des usines ou pour quoi que ce soit, elle sert pour faire des maisons. Ça sert de structure, ça sert de poutre pour les habitants de Arlit. Et donc, non seulement ils ont une pollution qui est aérienne, puisqu'il y a également des pollutions liées à l'extraction de minerais et de l'uranium, mais ils ont aussi une pollution à domicile, de la radioactivité à domicile. Et on a pu faire, nous, des analyses chez les habitants. Et on trouve des niveaux qui dépassent totalement les normes internationales. Et vous constatez que la radioactivité y est deux fois plus élevée que dans la zone interdite de Tchernobyl, ce qui est complètement incroyable. C'est ce travail de recherche scientifique qui a pu finalement rassembler toutes les preuves d'une pollution radioactive. Mais jamais personne n'avait fait cela avant. Si, il y avait eu il faut rendre hommage à la CRIRAD qui, dès 2010, si je ne dis pas de bêtises, s'était associée avec Greenpeace à l'époque pour aller faire des prélèvements sur place, faire des analyses aussi de radioactivité en partenariat avec Agirin Man et avec Al-Mustapha Alassen, qui est vraiment le lanceur d'alerte par excellence. C'est un ancien salarié d'Areva et réellement il a un courage extraordinaire, parce que moi je suis resté quelques semaines sur place. Oui. Lui, il est là toute l'année. Justement, on va le retrouver. Nous sommes en direct d'Arlit avec Al-Mustapha Alassen. Bonsoir. Voilà des années donc que vous alertez sur la question. Vous aviez déjà constaté via de nombreux rapports la radioactivité présente à Arlit, mais jamais rien ne s'est passé. Suite à ce documentaire, vous avez déposé plainte contre X en France pour homicide, blessure involontaire. L'instruction est en cours. Qu'attendez-vous, vous et vos 26 concitoyens, de cette plainte ? Ah, visiblement, on a perdu la connexion avec Arlit. J'imagine que vous avez posé la question oui. à ces personnes qui ont déposé plainte. Est-ce que les attentes sont là ou ils ont perdu tout espoir, finalement? Non, ils n'ont pas perdu tout espoir, mais je ne voudrais pas parler en son nom, mais il y a évidemment un espoir réel avec cette première étape judiciaire. C'était compliqué aussi de convaincre les personnes de s'en prendre potentiellement à l'employeur, au premier employeur de la ville qui est Orano. Donc c'est un geste très courageux de la part de ces Nigériens qu'Al-Mustapha Alassane avec son association et d'autres associations soutiennent. Je pense qu'ils sont aussi très exigeants sur ce qui va se passer et surtout ils sont très alertes sur la situation de la mine à Orano parce que Orano a annoncé qu'ils allaient fermer la mine d'Arlit. Donc ça crée beaucoup d'inquiétude sur place de savoir comment ça va se dérouler, cette fermeture de la mine d'Arlit. Alors, vous aviez déjà constaté ce désastre écologique, même Al-Mustapha à la scène l'avait constaté. Je pense qu'on m'a dit qu'on a retrouvé la liaison. Juste une question, monsieur Alassane, concrètement, quels sont les problèmes de santé que vous avez constatés autour de vous? Oui, vous savez, donc, bonsoir d'abord TV5, merci de nous avoir donc l'occasion de nous exprimer sur votre journal. Donc, ce que nous avons constaté à Arlit, bien sûr, après 20 ans, après 20 ans ou même 40 ans d'exploitation, nous avons constaté des maladies comme des maladies des foies, des maux de tête, et puis des femmes qui ont des grossesses difficiles, des animaux qui ont d'autres habitudes qu'on ne comprenait pas. Et puis, surtout les maladies des foies et des reins, la tension et ce qui s'ensuit. Donc, ce sont des choses qui nous ont alerté, qui nous inquiétait, quoi, et qui nous a amené à créer cette ONG, donc dans les années 2000 déjà. Alors, on continue donc à voir, et puis bon, comment aujourd'hui. Oui. Merci, monsieur Alassane. Je suis désolée, on est obligé de couper par manque de temps. Après Arlit, je rappelle juste que vous êtes allé à Narbonne, dans le sud de la France, pour transformer l'uranium en nucléaire. Narbonne, plus grande poubelle radioactive à ciel ouvert d'Europe. Je vous laisse donc découvrir tout cela dans ce documentaire exceptionnel, l'uranium de la colère, à découvrir sur le site internet de France 5 et le 7 mars sur la chaîne. Merci, Martin Boudot. Et merci également à vous, Al-Mustapha Alassane, président fondateur de l'ONG nigérienne Aguir Inman. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily. Au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé les cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre des choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit, viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un poing rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdit aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un petit peu bien Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On l'a trouvée plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Un hommage qui est d'ordinaire confidentiel et qui a pris cette année une dimension particulière. Sur la commune de Chasselet, dans le Rhône, le petit cimetière militaire a commémoré, vous le voyez, le 80e anniversaire d'un massacre presque oublié, celui de tirailleurs africains exécutés par les Allemands en 1940. Un événement dont on ne savait pas grand-chose, jusqu'à ce qu'un collectionneur transmette, il y a quelques mois, des photos saisissante de ce moment. Marine Brossard, Bruno Chastanier, Gaël Charnet et Gaëtan Lecointe. Des albums photos de soldats datant de la Seconde Guerre, ce collectionneur en a feuilleté des dizaines. Mais dans sa dernière acquisition, il fait une découverte glaçante. Quand je suis tombé sur cette double page, je suis vraiment resté interloqué, choqué. Une série de photos capturées à quelques secondes d'intervalle. Des officiers allemands pris sur le vif. Ils escortent une quarantaine de soldats français, des tirailleurs africains. Les chars mitraillent. Le cliché suivant, des corps inertes. Épilogue d'un massacre photographié en direct. Vraiment, je ne vous cache pas que je suis resté scotché et j'en ai fait des cauchemars la nuit suivante. Ces hommes savent-ils à ce moment précis qu'il ne leur reste que quelques secondes à vivre? Les visages sont tétanisés. Leurs yeux semblent chercher des réponses dans ceux de l'homme derrière l'objectif. Le photographe était certainement au courant de ce qui allait se passer. Et on voit bien, ils sont tous prépositionnés, ils se parlent, ils s'organisent. C'est ce qui en fait un crime de guerre. Les Allemands savaient et ont programmé cette exécution. Ces scènes, un homme les localise immédiatement. En fond, le Mont Verdun qui permet clairement d'identifier le lieu comme étant le lieu du massacre. Cet historien travaille depuis 20 ans sur le parcours de ces tirailleurs africains. Leur corps repose ici. 188 tombes. L'un des plus importants massacres de soldats noirs commis pendant la guerre. Les exécutions étaient alors quasi systématiques. Pour beaucoup de militaires allemands, ils n'étaient pas des soldats. Pas même des hommes. Ils représentaient beaucoup de choses pour eux en termes de guerriers, de sauvages. C'était l'autre finalement, c'était celui qu'on ne connaissait pas. Et donc on le photographiait pour satisfaire sa curiosité, mais aussi pour marquer sa fierté de l'avoir vaincu. Après la capitulation, ces crimes sont réduits à des péripéties de guerre et ne seront jamais jugés. Ce spécialiste a longtemps cru à la responsabilité des SS. Désormais, il le sait, c'est l'armée régulière allemande qui est coupable. On a une preuve qui est indiscutable, qui va nous permettre d'aller chercher très précisément qui étaient ces hommes, puisqu'on a les marquages des unités, on a les numéros des chars, et l'étape prochaine sera de se rendre dans les archives allemandes pour tenter d'identifier les assassins. Comprendre. Reconstituer l'histoire ignorée de ces soldats grâce à cette découverte, une chance inespérée, particulièrement pour le maire du village. Dans son bureau, il conserve précieusement les objets retrouvés sur les corps des soldats. C'est un peu de leur âme. Là, quand vous voyez des courriers de cette nature, on se rend compte qu'effectivement, les soldats ont été blessés et ils sont morts. Puisque ce sont certainement des taches de sang sur les courriers. La seule chose que nous pouvons leur accorder maintenant, c'est effectivement de respecter le don de leur vie pour défendre notre territoire. Et donc la liberté, l'égalité, la fraternité de notre pays, ils ont fait leur, alors qu'ils venaient d'ailleurs. Et voilà pour cette histoire incroyable qui a quasiment été oubliée pendant 80 ans. Quand les six

leur gare. Ah, bravo, bravo, tu as beau me tatouer un numéro, j'ai tiré le beau et crève, c'est moi qui ai eu ta peau, je souris aux fanfares, à Lily Marlène, je suis grasse, j'ai 100 ans et je m'aime. La la la la la la la. La la la la la la. Les heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. Thank you.

les Russes ne sont pas informés correctement. Sont-ils les seuls à être victimes de cet état de fait? Est-ce que les Français sont bien informés? Quand on voit comment ils réagissent, comment ils votent, tout, etc. Bon, voilà. C'était inhumain de laisser des gens ainsi dans les couloirs des urgences. Embouteillage dans les couloirs et en salle d'attente, manque de lits et de bras pour s'occuper des patients. À l'appel de Sud, de la CGT et de la CFTC. Tiens, la CFDT n'existe plus. Elle est morte, la CFDT. Ah, paix à son âme, si elle avait une âme. Une partie du personnel des urgences s'est mobilisée pour créer son indignation face à la situation que connaît le service depuis plusieurs semaines. Plusieurs semaines. Oui, des semaines. Accident du travail mortel, la société Eger, E2GER, condamnée à 100 000 euros d'amende à Rambervillers. Alors, puisqu'on est dans les entreprises, voyons voir les actions. La bourse Albioma, plus 25%. CGG, plus 58%. Alors, je ne sais pas ce qu'ils fabriquent, mais bon, voilà. Augmentation de 58% des actions. Ensuite, Dassault Aviation, plus 53,68%. Donc, si vous avez des actions d'Assaut, eh bien, il faut les garder, hein, parce que elles sont en train de monter. Et c'est bon signe. Ça veut dire que l'industrie va bien, que la finance va bien, que la bourse va bien. Mais ça peut vouloir dire aussi qu'on s'apprête, par exemple, à livrer des avions à l'Ukraine et que il y aura peut-être des représailles en retour. On peut tout imaginer, hein. On peut tout imaginer avec ces gens-là. GTT, plus 36%, Ipsen, plus 43%, alors je sais pas ce qu'ils fabriquent, hein, mais bon, Thales, plus 60%, SES, plus 22,55%, et voilà, vous voyez, ça va bien à la bourse. Bon, il y en a aussi qui sont à la baisse, hein. Ah, la bourse, c'est un peu la loterie, hein, c'est-à-dire un coup vous gagnez, un coup vous perdez, voilà, c'est comme on veut, quoi. Mais ça rapporte plus que de travailler, quand même, normalement, hein, en tout. McKinsey, une enquête ouverte sur le volet fiscal. McKinsey, le parquet national financier a décidé d'ouvrir une enquête après le rapport du Sénat sur l'influence des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques. Cabinets de conseil privés, politiques publiques. Les accusations d'optimisation fiscale visant McKinsey. Et ben malgré ça, qu'on avait appris quelque temps avant les élections, et ben malgré ça, les gens, ils ont voté comme des... Allez, cherchez un mot qui rime avec Macron, par exemple. Et pas d'Orpea, déjà 80 plaintes et un rapport accablant. Près de 80 familles de résidents ont porté plainte contre le groupe privé accusé de maltraitance en cherchant à augmenter la rentabilité de ses EHPAD. Un rapport, ben oui, moins les petits vieux y mangent, et ben plus les actionnaires encaissent de bénéfices. Ben oui, c'est les vases communicants, que voulez-vous. Un rapport administratif publié mardi pointe également de graves dysfonctionnements. Alors mardi, ça c'est un article du mercredi 6 avril 2022, 4 jours avant le premier tour des élections présidentielles en France. Vous voyez, ouais, bon, voilà, quoi. Hein, qu'est-ce qu'on y peut? Le gouvernement confie la distribution des professions de foi des candidats à la présidentielle 2022 à un cabinet de conseil, ce qui était déjà hallucinant en soi. Comme si les fonctionnaires ne savaient pas mettre sous pli, envoyer par courrier et organiser. Ça, comme cela a été fait pendant des années. Le conseil, la société de conseil en question est Sémaphore, appartenant au groupe Alpha. Mais qui dirige ce groupe? C'est un certain Pierre Ferracci, membre de la commission Attali en 2007. Ferracci, Attali, des Nortenir. Marc Ferracci, son fils, est un intime d'Emmanuel Macron et était son témoin de mariage. Sa femme a été la chef de cabinet du fondateur d'En Marche, Macron, et le conseiller spécial de la ministre du Travail, Pénicaud. Voilà des noms, des adresses à retenir. Un jour. Un jour. Élection présidentielle, résultat des Vosges. Lundi 11 avril 2022, alors à Remiremont, par exemple, 5482 inscrits, 3787 votants, 3701 suffrages exprimés, bulletin blanc 51, bulletin nul 35, N. Artaud, 18, F. Roussel, 63, E. Macron, 1188, J. Lassalle, 104, M. Le Pen, 829, E. Zemmour, 239, J. L. Mélenchon, 735, et puis les autres, A. Hidalgo, 59, Y. Jadot, 162, V. Pécresse, 195, P. Poutou, 26, et N. Dupont-Aignan, 83. Voilà. Ils ont bien voté, les gens de Remiremont. Ah oui, il faudra leur être reconnaissant. Hein? Oui. Allez, on sera reconnaissant. Plus tard. Au bientôt, hein. Les aspects négatifs de cette politique-là, ils vont pas tarder à se faire sentir. Et à se faire sentir à ceux qui ont mal voté. En particulier, EDF sacrifié sur l'autel de la libéralisation. Loin des aléas du marché, la flambée des tarifs de l'électricité résulte de choix politiques et dogmatiques qui ont présidé à la création de l'Europe de l'énergie, un business artificiel, au dysfonctionnement bien réel. Voilà. Ouais, oui, pas qualificatif, allez. Nantes révoltée, procès de la tentative d'assassiner fasciste à Nantes. Assassinat fasciste à Nantes. Il peut pas y avoir d'assassinat fasciste en France. Les fascistes, ils ont été chassés du territoire français en 1945. Hein? Les fascistes, on les a poussés de l'autre côté du Rhin. Allez, raus! Schnell! Nach Hause! Hein? Alors, il n'y a plus de fascistes en France. Alors, procès de la tentative d'assassinat fasciste à Nantes, la confession au-dessus de la loi. Ah! Depuis lundi, le procès d'un commando de néofascistes qui ont essayé de tuer deux adolescents le soir de l'élection présidentielle de 2017 a lieu à Nantes. Nous sommes en 2022, 5 ans après. Hein, 5 ans après les faits, enfin bon, c'est la justice française, elle avance bien, voilà. Et justice macronienne. Eh oui, les gens, ils ont ce qu'ils méritent. Eh oui, et si on vote mal, on est maltraité. Les prévenus et leur soutien parlent beaucoup de religion. Ils évoquent le regret, le pardon, la famille, le refuge à la foi. Ils se présentent comme de bons chrétiens. Parmi eux, François Mamès Cosseron de Villenoisy, issu d'une famille noble, a donné des coups de pied dans la tête de la victime au sol, qui gardera des séquelles pour toujours après avoir frôlé la mort. Devant la juge, le prévenu déclare avoir eu honte et ressenti de l'inquiétude et qu'il serait allé se confesser, avouer ses actes à un prêtre. La juge lui demande « Pourquoi ne pas aller vous dénoncer à la police ?» Point d'interrogation. Il répond « Par peur des conséquences. » La juge réitère « Le prêtre ne vous conseille pas d'aller à la police ?» Point d'interrogation. Réponse « Non. » Un membre du clergé, donc, a donc passé sous silence une tentative d'assassinat commise par des néofascistes alors qu'il en avait connaissance et que l'enquête piétinait. Ses croyants ont décidément une lecture très particulière de la Bible. Cette déclaration rappelle celle de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Oh, ça sent l'Ancien Régime, ça, hein? Ah oui. Président de la Conférence des évêques, qui avait déclaré à propos des aveux de pédophilie au sein de l'Église, « Le secret de la confession est plus fort que les lois de la République. Le secret de la confession est plus fort que les lois de la République. » Ah, vous commencez à avoir des regrets, vous pensez avoir mal voté dimanche dernier, tiens. Leurs règles religieuses passent avant les règles communes. Des crimes peuvent être couverts par des prêtres. Parle-t-on de séparatisme dans cette affaire ? Point d'interrogation. Les médias tourneront-ils en boucle sur la laïcité ? Peu probable. Peu probable. Automobiliste tué à Sevran. Le policier mis en examen. Greenpeace dénonce la poursuite des relations franco-russes dans le nucléaire. Les ventes de turbines et d'alternateurs aux Russes représentent actuellement 50% de l'activité de l'usine Belfortaine de General Electric. General Electric. Franciuski, General Electric. En matière nucléaire. Le site est sur le point d'être racheté par EDF en association avec le russe Rosatom. La Russie, avec Rosatom, représente 50% du marché de la turbine Arabelle produite à Belfort. Vous voyez, comme quoi le nucléaire, la politique, les élections, etc. Tout ça, ça marche ensemble. Attaque de la Russie en Ukraine, communiqué de Jean-Luc Mélenchon. La Russie agresse l'Ukraine, une initiative de pure violence manifestant une volonté de puissance sans mesure. Une escalade insupportable est provoquée. Notre pensée et notre compassion se portent vers les populations victimes et nos compatriotes encore présents sur place. L'histoire du vieux continent bascule. Ah oui, c'était le 24/2/2022. Vous voyez, depuis, on est passé de l'eau sous les ponts. Ah oui, tout s'est arrangé, bien sûr. Tout, enfin, presque tout, enfin, une partie. Il y a beaucoup de choses qui se sont aggravées, même. Ben oui, notamment par les élections. La Russie y installe de nouveau la guerre comme moyen de règlement des conflits. Elle oblige chacun à passer des méthodes et des logiques de temps de paix à celles du temps de guerre. La Russie prend la responsabilité d'un recul terrible de l'histoire. Elle crée le danger immédiat d'un conflit généralisé qui menace toute l'humanité. Pour l'Union européenne, le temps de la protection mutuelle est venu. En France, tous les moyens de défense doivent être immédiatement mobilisés pour garantir totalement les intérêts vitaux de notre pays. Dans le même temps, la France ne doit pas se résigner. Elle doit prendre l'initiative d'une démarche de règlement pacifique, c'était il y a 2 mois, et diplomatique de la situation. Son objectif doit être d'obtenir un cessez-le-feu immédiat, c'était il y a 2 mois, et un retrait de toutes les troupes étrangères d'Ukraine. Pour cela, une réunion immédiate de l'Organisation de sécurité et de coopération en Europe peut être un outil immédiatement disponible. L'ONU doit délibérer d'urgence et les nations du monde intervenir pour établir la paix en Europe. Il ne faut surtout pas accepter d'entrer dans l'escalade. Imaginez une initiative malheureuse prise par le président français entre les 2 tours des élections présidentielles. Imaginez ça, hein ? Quelles seraient les conséquences à court, moyen, long terme, à courte, et moyenne et longue distance ? Elle serait sans retour, l'escalade. Jadot et Hidalgo, renseignez-vous sur les affinités de la France insoumise en Russie. Soit vous réalisez de la désinformation, ou vous êtes des ignorants. Sergueï Oudaltsov, né le 16 février 1977 à Moscou, en URSS, est un homme politique russe engagé à l'extrême gauche. Il est arrêté et incarcéré de nombreuses fois depuis 2011 pour ses manifestations contre Vladimir Poutine avec le Front de Gauche. Voilà, ben oui, il faut tenir compte de toutes les informations avant d'aller voter. Sinon on fait... l'électeur moyen, il fait ce qu'a fait l'électeur moyen en Allemagne. Eh oui, à une certaine époque. Rappelez-vous, en France actuellement, nous avons 6 millions de chômeurs. 6 millions de chômeurs en France en 2022. Après 5 ans de macronisme, 5 ans de... etc. etc. Hein, voilà. Donc, 6 millions de chômeurs pour 67 millions d'habitants. En Allemagne, ils avaient 6 millions de chômeurs pour 60 millions d'habitants en 1933. 32-33. En 32, ils ont mal voté, 20 et quelques pourcents ont voté pour les nazis et Hitler. Ils n'ont pas eu accès au pouvoir, ils ont eu un certain nombre de députés à la Chambre des députés. Voilà. Et puis, l'année suivante, le bon vieux maréchal Hindenburg, qui n'aimait pas trop Hitler, mais bon, qui était quand même un maréchal de la Reichswehr, hein, a provoqué de nouvelles élections. Et cette fois-là, ben Hitler, il a eu 42% des voix. Et en France, il n'aurait pas été élu. Parce qu'en France, il faut avoir 50% des voix, plus une. Hein. Et chez eux, la loi électorale, c'était le parti qui arrive en tête, eh ben, arrive au pouvoir. Alors, conséquence du vote imbécile des Allemands de l'époque, eh bien, Deuxième Guerre mondiale, 64 millions de morts, à peu près. Hein. Oui, une bonne soixantaine de millions de morts, à cause d'un bulletin de vote. Eh bien, les Français, dimanche, ils ont voté un peu comme les Allemands en 1933. Eh oui, alors, faudra accepter les conséquences. Eh oui, oui, oui, oui. Voilà, Blanche Gardin refuse de se faire décorer par le gouvernement et sa réponse met une claque. Monsieur le Président, je suis flatté, merci. Mais je ne pourrais accepter de récompense que sous un gouvernement qui tient ses promesses et qui met tout en œuvre pour sortir les personnes sans domicile de la rue. En juillet 2017, vous avez déclaré « La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des hommes et des femmes dans la rue, dans les bois ou perdus. » Et vous avez annoncé le lancement d'une politique du logement d'abord qui a laissé planer l'espoir d'une plus grande attention portée aux personnes mal logées. Mais simultanément, vous avez baissé durement les APL qui aident les plus pauvres à se loger. Vous avez réduit les budgets des centres d'hébergement et d'insertion pour les sans-domicile. Vous avez coupé une part importante des moyens dédiés à la construction de logements sociaux. Coupé drastiquement dans les emplois aidés. Supprimé l'ISF, ce qui a eu, entre autres conséquences, de faire chuter les dons aux associations qui luttent en faveur des plus démunis. Vous n'avez pris aucune mesure ambitieuse qui permettrait d'encadrer les loyers dans toutes les villes où le coût du logement étouffe le budget des plus fragiles. À une période où notre pays bat des records d'expulsion parce que les familles n'arrivent plus à payer leur loyer, et la liste serait encore longue, où comptiez-vous les mettre ces gens que vous ne vouliez plus voir dans la rue, Monsieur le Président? Alors que vous preniez toutes ces mesures qui allaient provoquer l'effet inverse. Il y en a de plus en plus tous les jours, des femmes, des hommes, des enfants qui vivent, dorment et meurent dans les rues de France. Mais peut-être votre absence de vision vous a aussi ôté la vue. Les solutions existent, vous le savez. Il ne vous a peut-être pas échappé que j'ai donné une représentation de mon spectacle Bonne Nuit Blanche au Zénith de Paris le 31 mars dernier. Les bénéfices de cette soirée ont été reversés à la Fondation Abbé Pierre et à l'association Les Enfants du Canal. Vous comprendrez qu'il y avait quelque chose d'illogique à accepter votre proposition. Merci quand même. Signé Blanche Gérardin. Voilà dans quel beau pays on vit. Alors, un beau pays qui, par sa presse, par sa radio, par sa télé, désinforme les citoyens. Et ensuite, les citoyens, ben, ils votent bêtement. On est balèze en France, hein. Il y a des trucs qu'on est vachement balèze, hein. Pas tout, mais il y a des trucs qu'on est vachement... Il y a des trucs... Oh, si. En politique, on est vachement balèze. Et en politique, on est plus balèze en politique. Surtout en politique française, hein. On est parmi les plus balèzes du monde. On a les hommes politiques que le monde entier nous envie, hein. D'ailleurs, ils pourraient les prendre, mais ils viennent pas les chercher. Je sais pas ce qu'ils foutent. Sans ça, nous, on leur donne, hein. Regardez, Giscard d'Estaing a promis un changement douceur. Vous avez senti quelque chose, vous? Impeccable, ça s'est passé. On en a des bons. Il y a comment il s'appelle, celui avec l'entonnoir, là, l'handicapé mental, là, comment... Michel Debré. Ah ben, alors voilà, là, qui est bon, Michel Debré. C'est celui qui voulait qu'on fasse des enfants. S'il va pas les faire, avec la gueule, pas les gosses. Ah, ça... pas déconner, non. On a des biens. Et puis, il y a machin aussi, comment il s'appelle, le frère Laspicrine, là, celle avec les dents, là, comment le... Le décapsuleur, on l'appelle. Denis Forbes, voilà, deux bières. Robert, oui, c'est celui qui est dû émerger. Robert Forbes, dû émerger, c'est ceux qui essayent de passer la tête. Émerger, ça fait rien, laissez tomber. Bon. Et, il est sorti de l'Elysée, il a dit les mecs, il y a déjà un chômeur de moins, j'ai trouvé du boulot. Moi. Pour les autres, il n'y a rien, circuler, il n'y a rien à voir. Allez hop, c'est terminé. Sans blague. Ah non, on a des bons.

on ira danser le Let Kiss.